Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, et bien c'est reparti en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition, ce samedi 23 janvier. Soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Nouveau classement avec une fois de plus, et bien pas mal de changements. Nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours de 18h. Et bien un total de 3 entrées et 3 sorties cette semaine. La sortie de Adri Block, la reprise SOS Ben de Finest Groove. Rolio Bachmore également en sortie avec Sam Diouf, ça s'appelle Holding On. Et enfin, la troisième et dernière sortie pour cette semaine, ex numéro 1 de ce Flycase, Mac Joe avec Make a Living. Galaxy Flycase. Numéro 20, Flycase, nouveauté. Et ça commence très fort avec une nouveauté cette semaine, 20e, c'est pointé numéro 20. Et elle a 3 entrées, je vous rappelle, 3 entrées cette semaine. Me and My Tooth Bros. C'était une proposition d'entrée la semaine dernière, un petit sample bien sympathique de Frankie Smith. Et puis également chez Lamar, voici Gold Member. We'll be right back. C'est Fly Case, numéro 19. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 20e position. C'était la première entrée pour cette semaine. C'est la reprise Sister Slave, évidemment, et nos poches à la main. Me and My Two Bros avec le titre Gold Member. Et numéro 19, ça perd 3 places cette semaine. Petite découverte au Galaxy. C'était Atlas Genus avec Molécule. Restez avec nous, très très bon après-midi. Et puis restez sous la couette hein, si vous ne voulez pas bouger, la radio à fond. On est parti, c'est le Flycase jusqu'à 18h évidemment. Nouveau numéro 1 tout à l'heure. Les 20 titres indispensables sur Galaxy numéro 18. Flygaze, nouveauté, nouveauté. Curtis sur Galaxy. Numéro 16. De la région et puis on n'en est pas peu fiers évidemment. C'était la position numéro 16 à l'instant, ça gagne une petite place, c'est de l'entrée la semaine dernière. Ça s'appelle Marilyn Monroe, le titre, ça c'est le titre, Marilyn Monroe, et l'interprète Tim Barresco, numéro 17 juste auparavant, deux places au moins pour Kate Snake avec Echo, et encore auparavant numéro 18 Ben Dilley avec The Boy Is Mine, petite production remixée par Marc Lohr que vous retrouverez d'ailleurs tout à l'heure sur Galaxy cette nuit à partir de 2h. Et puis tiens, on vous en parle tout de suite d'ailleurs. Tous les jours dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Alors ce soir c'est samedi et sur Galaxy, et bien évidemment rendez-vous mix à partir de 20h Jérôme B. À partir de 21h c'est Franck Lido, vous allez trouver DJ Tom avec 6 mix à 22h, 23h Marty. À partir de minuit c'est Storm, à partir de 1h DJ Gus, à partir de 2h Marc Lower, 3h c'est Santos et Pierre Terry. Ce sera pour clôturer cette soirée à partir de 4h du mat jusqu'à 5h. Tout de suite, on se fait une petite pause dans le classement du Flycase. C'est une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Il s'appelle Lucas de Bonheur et le titre Keep This Party Rocking. À vous de voter Facebook Flycase. Thank you. 14. Fly Gaze, nouveauté. Cette semaine dans le classement du Fly Gaze numéro 14, c'était Ramon Tapia à l'instant avec Yellow Submarine et pointé numéro 15, juste pour avant deux places au moins pour Plock and Fitch avec Tears. Restez avec nous dans un instant, la position numéro 13 à la position numéro 11. Les 20 titres qui se font bouger. Fly Gaze numéro 13. Sabor entre nós. Galaxy, numéro 12. Galaxy. Galaxy. Vous êtes. Ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez. Peut-être une proposition d'entrée hein, dans ce classement du Flakez. En tous les cas, c'est à vous de voter un Facebook Flakez. Un vieux titre des années 80 de Herbie Hancock qui vient d'être remixé. Un clip qui était totalement dément pour l'époque. Lucas M, ça s'appelle Rocket. Et c'est un remix de Stefano Noferini. Bienvenue, vous écoutez Galaxy. Il est 17h. Numéro 20. Allez, on y va. Voici le récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11. Numéro 20 cette semaine, Me and My Tooth Bros avec Gold Member. Numéro 20. Découverte Galaxy pointé numéro 19, ça perd 3 places. Atlas Genius avec Molécule. Numéro 18. C'est la seconde entrée pour cette semaine. Ben Dilly avec The Boy Is Mine, un remix Mark Lower, numéro 18. Place au moins, c'est la position numéro 17, découverte Galaxy. Également Cut Snake avec Echo, le remix No Mess. Numéro 16. Numéro 16, ça gagne une place cette semaine. C'est une production de la région, c'était d'entrée la semaine dernière, numéro 17, Tim Barresco et le titre Marilyn Monroe. Et... Numéro 15. Numéro 15, se plaise au moins pour les Proc and Fitch avec le titre Tears. Numéro numéro 14, c'est le meilleur entretien pour cette semaine. Il s'appelle Ramon Tapia. C'est le grand tour également dans ce classement de Flakez avec le nouveau titre Yellow Submarine. Numéro 13. Alors ça c'est excellent également. À mon avis, c'est bien parti pour être un futur numéro 1. Ça gagne 5 places en tous les cas. C'est la plus forte progression Red Axis avec Abrao. Ça s'appelle Sabor. Numéro 12. Focus, Focus, Evil Eyes, c'est Roisy Murphy numéro 12, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Numéro 11. Et enfin numéro 11, on adore toujours la douceur de ce titre, ça perd 5 places malgré tout. C'est l'une des plus fortes gamelles cette semaine, hein. You Not Us et Anana Club avec Hush. Numéro 10. Allez, on est parti 17h01. Voici les 10 premiers de ce classement. Nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis en attendant, voici le nouveau Damien Lazarus. Il fait son grand retour également dans ce classement. Second titre pour cette saison. Hein, avec le titre We Will Return. C'est un remix de Infinity Inc. Charlene, why'd you need me? Won't you see me? I'm not playing games, 'cause there's nothing to hide. I was calling out your name. I'm not playing games, 'cause there's nothing to hide. Please don't waste my time. Why don't you call back? Why don't you call back? I'm losing my mind if you don't call back. If you don't call back. Please don't waste my time. Why don't you call back? Why don't you call back? I'm losing my mind if you don't call back. If you don't call back. If you don't call back, call back. If you don't, if you don't, if you don't call back, call back. If you don't call back, call back. Flycase et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 9, tout simplement 5 places au moins pour This Is I et Kerin Fox avec Ken Simi et pointé numéro 10 juste auparavant, c'était Damien Lazarus. Et le titre We Will Return, le grand retour également de ce classement depuis les semaines dernières, c'est un remix de Infinity Inc. Dans un tout petit instant, la 8ème position avec Kovaris, ça s'appelle Oshalal Rise et ça gagne une petite place également. Les 20 titres indispensables. Yeah, yeah. Numéro 8.

émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et pour rythmer les soirées électroniques ce soir à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver à partir de 21h, Franck Lido, à 22h, Digitom, à 23h, Marty. À partir de minuit, c'est Storm au platine, Digigus à partir de 1h, Mark Lowers, 700 et Pierre Terry, ce sera de 2h à 5h. Des mix tout à fait exceptionnels. Un rendez-vous à ne pas manquer, bien évidemment. Tout de suite, voici une proposition d'entrée avec Sonny Fodera pour les semaines prochaines. C'est un remix de Yasmine. C'est accompagné lui, Yasmine. Voici Feeling You, le remix Deep Mix. Et juste après, on a un petit peu de temps, donc on va faire une seconde proposition d'entrée, ce sera Sweep Disposition avec Temper Trap. Bon après-midi. Baby, I saw you coming up across the room. Now tell me what you wanna do. Are you from around here? Cause I ain't seen your face before, but I know I like to see someone. Oh, numéro 5. can hear a scratchy noise. Scratchy noise. Les 20 titres en contournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 4, c'est les Purple Disco Machine avec Ayo. Et juste auparavant, numéro 5, 3 places au mieux pour Polyester. On adore ce titre, on s'est complètement décalé et puis c'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs. Ça s'appelle Katarina, découverte Galaxy dans un tout petit instant, le podium de tête. Les 20 titres indispensables. Numéro 3.

time to make the club go up. Flycase, yeah, Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 premiers de ce classement du Flycase numéro 10. Cette semaine, pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Damien Lazarus avec le titre We Will Return, le remix de Infinity Inc. Numéro 9, This Is I et Kerry Fawkes avec Come See Me. Numéro 9, ça perd 5 places. Numéro 8, une petite place de mieux cette semaine pour Kovari, c'est pointé numéro 8 avec How Shall I Rise. Ça gagne de cette place cette semaine, c'est la version remix de DJ Leroy et Roland Clark avec I Get Deep, leur mix Late Night of Guy. Numéro 6, 4 places au moins cette semaine, c'est Alex Goffer, X numéro 1 de ce classement de Flakez, Étienne de Crécy avec Smile. Numéro 5, complètement déjanté, on vous l'a déjà dit, un polyester avec Katharina. Ça gagne 3 places cette semaine. Numéro 4. Une petite place de moins cette semaine, c'est la position numéro 4, Purple Disco Machine avec Yo. Numéro 3. Alors ça bouge pas mal cette semaine, hein, dans le trio numéro 3, 2 places au moins pour Fred Everything, c'était numéro 1 la semaine dernière. Ça s'appelle Churching, le remix de Demon, Dithrone. Numéro 2. Et enfin, on s'est écouté il y a quelques secondes à peine, c'est un futur numéro 1, c'est quasiment sûr et certain. En tous les cas, ça gagne 5 places cette semaine, numéro 2, Riton et Calo avec Rinse and Repeat. Galaxy Flycase. Flycase Numéro 1. Allez, on est parti, fallait s'y attendre. Bah oui, c'est carrément le tube du moment. 4 places du mieux cette semaine pour Dele Sosimi Afrobeat, petite découverte de Galaxy également d'il y a quelques semaines. Ça s'appelle Too Much Information et c'est une version remixée Laulu. And everything you see to say everybody's business. My own business, not to make my business. I did expose myself to the public. Numéro 1, nouveau numéro 1 cette semaine, c'est des Délices Soussimi Afrobeat avec l'accent, ça s'appelle Too Much Information. Leur mix là au long, ça gagne 4 places. Voilà, voilà, Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, samedi à partir de 16h, c'est Matt le Matou. Il est là, il y a sa grosse zoudoule et tout, il a froid, il caille. Bon, en tout cas, vous allez les retrouver jusqu'à 20h avec un maximum de nouveautés. Et puis attention, l'autre nouveauté, c'est ceci.